tu chantais pour moi. Pour moi ton amour, toi mon homme qui m'a quitté depuis longtemps déjà. Quand tu me disais j'effacerai les tourments qui t'enchaînent, réchaufferai ton partir.